No vale nada la vida. La vida no vale C'était toujours CISM, la radio de l'Université de Montréal. Je m'appelle André Péloquin, la voix agressante au micro. Et c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi, qui démarre une autre édition avec la meilleure musique en ville. En ce moment même, en onde, de 16h à 18h, ne changez pas de chaîne, c'est la meilleure musique qui joue ici. Et on va débuter dès maintenant avec une première heure francophone. Et comme c'est le Festival Pop Montréal qui se déroule ces temps-ci, du 4 au 8 octobre, www.popmontréal.com pour plus de détails. Eh bien, on va essayer d'orienter notre première heure en vue des groupes qui s'y produiront. On va d'ailleurs débuter dès maintenant avec un petit peu de yéyé, si vous voulez. On va avoir entre autres du Natasha et du Breastfeeders qui seront en concert. Je vous en parle dès qu'on sera de retour. Et on va aussi avoir du Heavy. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre au plectrumcism@hotmail.com ou de consulter le plectrumcism.blogspot.com pour avoir plus de détails sur la programmation d'aujourd'hui. On débute dès maintenant avec une bombe funiculaire des Breastfeeders. À tout de suite! Je vais faire la vie par un nouveau attache au rêve. Voilà la lumière, oui, on lui parle après le rêve. Je continue, mais jamais trop tard, faire tous les vingt-cinq mille qui coulent vers. Il m'attendait par son père. observer d'un air curieux quand je passe. Tu ne fais que me reprocher de t'énerver. Je finis par me demander ce que tu penses. Je finis par me demander. Que je sois. Tu ne fais que te moquer de mes moindres mots quand je parle. Tu as l'air de m'avoir prise pour un pantin. Je finis par me demander ce que tu aimes. Je finis par me demander quel genre de fille. J'y mène pas lorsque je veux te faire plaisir. Si tu veux me décourager, tu vas gagner. Je finis par me demander si tu m'aimes. Je finis par me demander quel genre de fille. Que je sois. Quel genre de fille? Quel genre de fille? Alza los ojos y mírame a mí. Hurrah! C'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se continue en ma compagnie. André Péloquin, c'est moi qui anime au micro. Oui, attention, je vais prendre un souffle dès maintenant. Et oui, c'était Evie qu'on vient d'entendre avec la pièce « Quel genre de fille ?» Un peu avant, on avait les mignons Natacha et leur pièce « Qui te font ?» et « Air pur » qui collaborent une nouvelle fois à Pop Montréal. C'est ce jeudi, ce soir, yes, 5 octobre, au Quai des Brumes, 4481 Saint-Denis. C'est avec Davy Levkovich et Forest City Lovers, un groupe folk dont la chanteuse est assez mignonne. Merci Natacha, de grandes choses s'en viennent pour eux. L'album sera finalement lancé au mois de novembre. Ils ont aussi perdu un membre dans le processus. Est-ce qu'ils sont maintenant plus rock? Est-ce qu'ils sont maintenant plus pop, plus folk, plus funk, plus rap, gangsta, crunk, South Miami style? C'est ce qu'on verra ce soir au Quai des Brumes. Mais aussi un petit peu plus loin, au cabaret du musée Juste pour rire, il y a les Breastfeeders. On vient d'entendre la pièce funiculaire. Ils seront aussi de passage à Pop Montréal en compagnie des Dagons, de Creature et de Call Me Poupée. On va poursuivre dès maintenant avec, soyons à la mode, on va poursuivre dès maintenant avec un petit peu de hip-hop. On va avoir du MC La Sauce, les habitués de MySpace la connaissent. On va aussi avoir du Chill Master X et l'Inso Gabo. Histoire de vous parler du concert d'Omnicron en compagnie de TTC. On va d'ailleurs entendre une nouvelle pièce de TTC qui a joué une première fois à l'adorable émission de Jean-Philippe Aymon Massala. Si vous ne l'avez pas écouté, JP et Guillaume recevaient des membres de TTC qui sont amusés comme DJ lors de son émission. Allez sur le site web de CISM, cism893.ca, cherchez l'émission Massala et téléchargez ça, c'est la meilleure émission en ligne en ce moment. Ah, CISM, oui! Mais on va débuter dès maintenant avec le français Capitaine Brakmar, la pièce « Tout ce que t'aimes, c'est le Capitaine Brakmar ». Et avec du Capitaine Brakmar, CTC, du MC La Sauce, on s'entend bien que le prochain bloc n'est pas pour les enfants vierges qui n'ont pas encore souffert des immondices de ce monde. Alors veuillez leur boucher les oreilles, changer de chaîne pour les 15 minutes 48 secondes qui s'en viennent. Et revenez-nous par la suite. Pour les autres qui restent, on va écouter des méchancetés sous fond de beat accrocheur. On débute de maintenant avec Capitaine Brakmar sur la marge. À tout de suite! Hey, feras ton pied à gauche. Tu feras ton pied à gauche. Tu feras ton pied à gauche. Tu feras ton pied à gauche. Tu feras ton pied à gauche. Tu feras ton pied à gauche. Tu feras ton pied à droite. Tu feras tellement ton cul que ça fait le ménage dans la boîte. Tu gisses très bien le sol en frottant fort avec tes fesses. That's what it's all about. Nettoie bien ce parquet. Frotte ton cul par terre, c'est parfait. Remue ça jusqu'à ce que ton cul soit lisse. Fais des trucs acrobatiques avec ton cul d'artiste. Laisse-moi te farcir le derrière comme un ravioli. Folie comme une boule de bowling. Je veux me voir dedans. Qu'on frotte-le lentement. Frotte le sol de la porte du club. Pas faire, ne fais pas croire que c'est compliqué. J'ai déjà dû le faire la dernière fois, tu n'as pas hésité. S'il faut tout donner, je sais que t'es motivé. Alors frotte ton cul par terre pour ça l'été. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Mon coloc, comment tu fais? Mon coloc, comment tu l'es? Tu t'es la chambre de l'air. Je pense que j'aime un kiki. Désolé si je me tape à un kiki food. Mon coloc, comment tu fais? Comment tu fais? Soyez le parquet, mais il le parquet. Remis ce derrière, ta bonne arrière. Si tu veux que je sois ton chien, ma bonne en galère. Montre-moi ce dont tu m'as parlé. Tu sais ce que je veux, donne-le-moi, je suis affamé. S'il te plaît, continue de secouer. Je sais que t'es doué, bouge ton cul comme une bouée. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Dans sur mon front c'est du bon. Tu le sens, tu veux t'évader ce soir. Pas avec un mec au hasard. Dans sur mon front c'est du bon. Tu le sens, tu veux balader en bavard. Tu peux pas vanner bavard. J'adore la salade, j'ai beaucoup d'alcool. T'as des épargnes, t'es très bonne, il fait chaud. Ce soir, c'est vrai, en plus que tu chantes. Oh, je mise sur toi, touche-toi, touche-moi. Où ton cul par terre, l'air popo. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. Frotte ton cul par terre, frotte ton cul par terre. La frite, c'est pas de la yacht, j'ai frite. C'est le beat que je nique, le rythme que je ken comme un Tekken. Je calme tout le monde, je clame à la ronde. Style Thierry Lafron, mais t'es vénère de l'affront que je te fais. Mais faut pas pleurer, une loupe, un charlet, je te déchire toute une assemblée avec des textes bien fiselés, mes expressions bien ciselées, mes lyrics qui parlent que de fesses. Bah ouais, c'est par la messe. Un son qui fait bouger toutes les petites aspects. Les meufs des beaux quartiers qui aiment bien se la raconter. Style racaille de Neuilly, je parle en berlan, mais je porte des Gucci. Moi, je viens pas de la rue, je viens du film de cul. Jeune Birou de Max Hardcore, Olivia. Del Rio, tu vois encore à corps. Avec moi c'est bien chaud, y'a rien de sous-jacent. Avec mon sexe surgissant et mon texte surjasant. Allez penche-toi en avant. Tout ce que t'aimes, c'est le Captain Bragmar. Tout ce que tu veux, c'est le Captain Bragmar. Tout ce que tu mérites, c'est le Captain Bragmar. Captain Bragmar. Tout ce que t'aimes, c'est le Captain Bragmar. Tout ce que tu veux, c'est le Captain Bragmar. Tout ce que tu mérites, c'est le Captain Bragmar. Captain Bragmar. Monte à fond les basses pour faire bouger les pétasses. Je suis pas pas misogyne, mais c'est pour la rime et pour la frime. Allez, sèche tes larmes, ici ton rimel qui coule, ma poule. Y'a pas moyen que je te saoule, on est à la cool pour danser, bébé. Un petit verre de sky et woo, tu fly high, bouge ton cul sans retenue. Laisse le DJ t'entraîner. Hey, tu sens la vibe qui vibre comme ton god niché. Alors c'est DJ Jean-Pierre ce soir au Macuba Night Fever. Tout le monde la main en l'air, c'est la son de Captain Braga. Captain Bragmar, tout ce que tu mérites, c'est Captain Bragmar. Captain Bragmar, tout ce que t'aimes, c'est Captain Bragmar. Tout ce que tu veux, c'est Captain Bragmar. Tout ce que tu mérites, c'est Captain Bragmar. Captain Bragmar. J'kiffe le bon son, et si t'as bon fond, mon bon, tu bouges ton fion. Y'a pas de pression, tu déchires le dance floor. WhatsApp, t'es le plus fort, ici y'a rien d'hardcore, même si j'suis un porc. Et alors, franchement, quand j'vois ce qui se vend, j'suis confiant, même si j'ai pas trop le temps, on s'en tape. Ce soir, c'est l'éclate, la teufée, c'est stylé, c'est chambé pour toutes les meufs et tous les chumés. Ouais, dance on the move, on the groove, à la one again. J't'emmène dans mon délire, tu vas rire, tu vas triper. Va dire aux meufs que tu connais, tu verras après, y'a trop moyen de les niquer. Allez, je balance mon hymne à la teufée. On va tous kiffer, on va tous triper. Je l'ai déjà dit, je sais. Allez, fais pas chier. Game sur le dance floor. Allez, bouge ton tarpé. Tout ce que t'aimes, c'est Captain Bragmar. Tout ce que tu veux, c'est Captain Bragmar. Tout ce que tu mérites, c'est Captain Bragmar. Captain Bragmar. Tout ce que t'aimes, c'est Captain Bragmar. Tout ce que tu veux, c'est Captain Bragmar. Tout ce que tu mérites, c'est Captain Bragmar. Captain Bragmar. Les chiennes, c'est des filles qui achètent les CDB, c'est des filles qui viennent au show. C'est des filles qui sont à la piste de danse, t'exposes les que ça tombe, check ça fume en flot, pourquoi pas sérieux? Faut que check l'espoir, t'as l'air là, donc peut-être on va t'envoyer là. Arrache, big cheese, put your hands up, ça trash en guise ou ça. Step up, bitch, feel la place, do as you wish, shake that ass. Do to your shit, do it, domine le your pour la shit, tu mieux que dire. Courvoisier, style bon marché, sans prétention, pour attention. Faut que tu l'as goûté, des pédés qui savent se la jouer, les cons vont perdre ton nom. On déglitise, yeah. Je connais une place, c'est la meilleure. Pour faire du passage que 3 ans. C'est le sabot, vous check ça, c'est mon flow. Pourquoi pas sérieux? Faut que check l'espoir, t'en allant là. Donc te trouve à t'en voyant là. Arrache, big cheese, put your hands up. Ça trash en guise ou ça. Je connais une place, c'est la meilleure. Pour faire du passage que 3 ans. C'est le sabot, vous check ça, c'est mon flow. Pourquoi pas sérieux? Faut que check l'espoir, t'en allant là. Donc te trouve à t'en voyant là. Arrache, big cheese, put your hands up. Ça trash en guise ou ça. Rentre en route pour ton 5$. Y'a un gars qui shake son ass dans ta face. Il voulait du loup, c'est ta barbe. Chapeau, tu veux Johnny, attends ton tour. Mais c'est le portier, faut plus d'élément. Tu vas te laisser, tu fais frémir. Je viens de ta chevelure ici, soyeux. J'ai frotte mes bouts, dur, j'suis bailleur. Pardon, ça dit, j't'ai foncé dedans. Voyons, tu sais, c'est arrivé par accident. Comme si j'étais prêt pour me ramasser sur un homme parfait qui me fait rêver. Malheur, c'est 3 heures, je sais, j'te hume, j'me flex, pas peur, bébé. Fais-moi une petite passe de lune, s'il te plaît, quand on me brasse. J'connais une place, c'est la meilleure. Pour faire dans ta page, c'est real, ça pour vous, check ça, c'est mon flou, pourquoi pas sérieux? Faut que tu check l'espoir, t'en allant là. Donc te trouve à t'en voyant là. Arrache, big cheese, put your hands up. Ça trash en guise, what's up? J'connais une place, c'est la meilleure. Pour faire dans ta page, j'ai 3 ans. C'est real, ça pour vous, check ça, c'est mon flou, pourquoi pas sérieux? Faut que tu check l'espoir, t'en allant là. Donc te trouve à t'en voyant là. Arrache, big cheese, put your hands up. Ça trash en guise, what's up? Dans la MP mobile, prends ton air. Le plus chill avec une Guinness à la main. Les fesses de ton copain. Les vendredis sont chauds. Dès qu'elle dit, je prends ton manteau. En plein mois d'où je mets mon coach, je me plains pas le fou. Elle va me l'autre. Pascal, l'autre torcheur du coach, check les pédales sautent de peur. Mec, beau chiffre, Pascal, toi je rends les vierges. C'est normal, t'es son enfant. J'ai la maladie du vendredi pâté. C'est incendie dans mon body bébé. J'ai une demande spéciale DJ. Si je veux me faire prendre en salle tout. C'est qui le roi des ladies? Ben vas-y, dis-moi pas si right. La nuit, il demande ton péteux. Ça crie sa queen pour swing. Flip des shots avec Joachim de ta plot into him. Comme Stoopy Ball, les filles, t'es bonne. Whoop, creeper, all sur la baie. Les mecs se poussent pour un bec de la rousse. Marianne, bourrée de feu, ses femmes fermées, ils font la kick-kick-kick. Bling, bling, quand ange, bling, bling, c'est-tu un ange? Ben oui, c'est Valérie qui shake son booty. Elle s'y est trop jolie, I wanna take son body. J'connais une place, c'est la meilleure. Pour faire dans ta page que 3 ans. Les sourcils en accent circonflexe, j'aime le Jameson pis le sexe. C'est mon petit ciment, touchez-y pas si now. Kick me now, kiki miaou. Jamais rencontré une chicks avec ma grosseur de tits. Explique-moi Alexandre pourquoi tu veux pas me prendre. La petite rockstar est tellement tête, la chute du bar il prend sa light. Patron, j'en peux plus, allons un peu de tenue. Cessez de mater l'aigu des employés qui ont bu. Je connais une place, c'est la meilleure. Pour faire dans ta page que 3 ans. C'est real, ça peut vous check ça, c'est mon flow, gros, crois pas sérieux. Faut que tu check le spot, t'en allant là. D'où que te trouves à t'en voyant là. Arrache, big cheese, put your hands up. Ça trash en guise, what's up? Big cheese, put your tattoo up. Big cheese, put your prowlers up. Big cheese, put your bummer up. Big cheese, put your Nadia up in the air. Big cheese, put your moose head up. Big cheese, put your maquillage de chat up. Big cheese, put your buzz by room up. Big cheese, put your roomie up in the air. Oui, bonjour tout le monde, vous écoutez toujours CISM, le 89.3 FM, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal. Je m'appelle André Pellaquin, grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On vient de terminer avec quelques pièces hip-hop. On avait MC La Sauce avec Put Your Cheese Up In. On avait aussi du Chill Master X de NSD en compagnie de l'Inso Gabo de Omnicrom. C'était la pièce pour les B. Un peu avant, on avait Capitaine Brakmar avec Tout ce que t'aimes, c'est le Capitaine Brakmar. Et on a débuté avec TTC avec la nouvelle pièce Frotte ton cul par terre. Pour entendre plus de TTC, je vous le rappelle une deuxième fois, allez sur le site web de CISM, cism893.ca. Consultez l'émission Masala de Jean-Philippe Aymon. La dernière édition est incroyable. Il recevait deux membres de la formation qui se sont amusés à jouer au DJ. En passant, TTC et Omnicrom, en compagnie de Passé Rock et Spank Rock, seront en concert dans le cadre de Pop Montréal. C'est ce jeudi 5 octobre au Club Soda, 1225 Saint-Laurent. Si vous n'avez pas encore vos billets, vous devriez aller dès maintenant à la ticketterie pour vous en procurer. Ça devrait être tout vendu d'ici le début du concert. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus rock électro. On va avoir du Corinne Charby. On va aussi avoir du Frigide. On va aussi avoir du Major Bidet et du Matt Foz qui, eux, seront aussi en concert à Pop Montréal. Je vous en reparle dès le retour. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, plectrumcism@hotmail.com, c'est mon courriel. plectrumcism.blogspot.com, c'est mon site web. J'ai aussi une balado-diffusion. C'est un iTunes et un iPod. C'est le moment de t'en servir. C'est au podmodernisme.blogspot.com. On débute dès maintenant avec Matt Foz et la pièce Montréal en canicule. À tout de suite! Thanks. sur mon cœur de pierre, cicatrice immaculée, maquille ma chair, une gueule à tout casser. Je suis machine, aspirateur. Je suis machine, accélérateur. Je suis ta bombe nucléaire. Résurrection, trouvais-tu de lumière, la lampe percée de plomb, et pour te satisfaire, comboulé de métal et ne peut m'anéantir, préprogrammé pour séduire et détruire. Je suis machine, accélérateur. Je suis machine, accélérateur. Je suis ta bombe nucléaire. Je suis machine, accélérateur. D'un gant de cuir, un regard de glace, telle une statue de cire. Mâchoire carrée, parfaitement symétrique. Modèle pareil, chirurgien plastique. Violation, pas vu, pas pris. Ah mon dieu, on croirait le générique d'une émission d'enfance, c'est incroyable. Bonjour tout le monde, c'est toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi. Je m'appelle André Péloquin. Oui, et c'est le spécial Pop Montréal qui se déroule, première heure francophone. On vient de terminer avec Corinne Charby, c'était la pièce pas vue, pas prise, tellement pas vue qu'on n'entend plus parler d'elle aujourd'hui. Ah! André, le gag! Oh, le gag! Tu es tellement savoureux! Oh, quelle boutade tu as fait en onde! Oh, mon Dieu! Oh, ah, ah, ah, ah. Oh, je vais la mettre dans mon livre de jokes, celle-là. Un peu avant, on avait Frigide avec Machine, tiré de son tout nouvel album, son premier d'ailleurs en tant qu'artiste et non pas DJ, Bedroom Sessions. Un peu avant, on avait Major Bidet avec le classique Painful Love. Major Bidet commence à faire parler d'eux. Ils ont même fait parler d'eux à deux hôtels hier, Radio-Canada, y'all! Oh, ça va très bien! Et ils vont jouer en concert en compagnie des Fantastic Bicycles ce jeudi à l'hémisphère gauche dans le cadre de Pop Montréal. Un peu avant, on avait Matt Fuzz avec Montréal en canicule. Surveillez, Matt Fuzz devrait être en performance très bientôt à l'émission Mange ta ville sur RTV. Vous allez voir que non seulement il est talentueux musicalement, mais il est assez cute, ce petit gars-là, là! Oh, qui est cute! J'ai juste envie de serrer les joues, là, pis donner les becs en pincette! Alors, Matt Fuzz, revenons aux choses sérieuses, sera en concert le vendredi 6 octobre au Saphir, 3699 Saint-Laurent, en compagnie de Millimetric et de Interceiving. On va poursuivre dès maintenant avec un petit peu de musique pop. On va avoir du Trust avec la pièce Santassi. On va aussi avoir une reprise de la fameuse Les Sucettes par Lio. On va aussi avoir du Marie Warnant et la pièce La vie est belle. Et si on a le temps, on va vous jouer ce fameux remix de DJ F de la pièce Soutien-gorge Twist de Otari. On débute dès maintenant avec Trust sur la marge. À tout de suite! Je te ferai de ces baisers indignes. Ses jambes à son corps, elle retourne au drugstore pour quelques pennies. Annie, oh c'est si c'est tard. La nuit, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Dieu mais que la vie est belle, sans se poser de questions, sans se poser de problèmes, sans dire oui et sans dire non. Dieu mais que la vie est douce, dans le cœur de l'insouciance, dans l'étrange indiscipline, dans l'oubli de nos cinq sens. Thank you. yeah, yeah, yeah.